Welcome, bonjour, c'est La Croisière Folk avec Eric Cooper. Je suis très heureux d'être avec vous dans cette émission qui possède une page Facebook. Si vous avez envie de la liker, eh bien n'hésitez pas, où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. La page s'appelle La Croisière Folk. Like I said in French, we have in this program a Facebook page called La Croisière Folk. Please do not... Do not hesitate to like this page. New website called Facebook. Do you have this in America? C'est avec un certain Bob Livingstone que nous avons commencé la programmation, la chanson You Got My Goat. Autrement dit, tu possèdes ma chèvre. Ben, ce serait bien que tu me la rendes quand même. Cet extrait de son album sorti en 2018, Up to the Flatland Stair, c'est le 10e album solo de cet artiste texan de style americana. Tout de suite, on va poursuivre avec Amber Rubarth, A Kiss to Build a Dream On. Ensuite, Lunaza, Road to Barga, extrait de leur album sorti en 2006, album intitulé C'est le 6e deuxième album de ce groupe et le nom de l'album, tiens, ça veut dire 6 en irlandais. Donc c'est un groupe de musique traditionnelle irlandaise, hein, Lunaza, excellent. D'ailleurs, si vous n'avez pas un album d'eux, je vous suggère franchement d'en acheter un. Et leur nom, ils le doivent à Luke Nassad. Je ne suis pas sûr de la prononciation, qui est une ancienne fête des moissons. Et on poursuivra avec The Three Months, Tell My Mother, extrait de l'album We Don't Live There, album de 2017. Le duo se compose de Stephanie Dodd et de Justin Badger. Et c'est un duo qui est né à New York. Tout de suite, voici Amber avec un kiss pour construire un rêve sur ce kiss. Moi, j'aime. Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Give me one thing before we part, kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, leaving romances, making believe they're true. So you alone can give a kiss to build a dream on. We'll be right back. l'instant dans la croisière folk, The Fremonts, Tell My Mother, extrait d'un super album. En fait, je ne vous diffuse que des chansons extraites de super albums. Si vous avez d'ailleurs envie d'avoir des suggestions d'albums à acheter, n'hésitez pas à me contacter via la page Facebook. Et tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dans cette petite séquence 1, 2, 3, on vous fait découvrir un album aujourd'hui. Eh bien, c'est un album de quelqu'un qui nous écoute peut-être, qui est un ami Facebook que je n'ai pas encore eu le plaisir de rencontrer. Il s'appelle Water Kuiper. C'est un trio BMB et l'album s'appelle Gewind Wellental. Vous trouverez une langue. Il nous vient des Pays-Bas. C'est un trio donc, hein, BMB, qui est composé, comme je l'ai dit, de Water Kuiper. Et en fait, il a fondé ce groupe parce qu'il voulait faire quelque chose de plus avec des cornemuses, des flûtes. Il y a également Nick Van Uden-Lutein qui joue de l'accordéon et Luc Plumpoon qui chante et joue de la guitare acoustique. Et pour ceux qui ne connaissent pas ces noms, eh bien, sachez qu'ils sont très importants dans l'histoire du folk aux Pays-Bas. Et dans cet album, eh bien, c'est un folk dynamique que vous trouverez, qui est chanté, joué avec entrain et qui est excellent pour la danse. Ça rappelle un peu le groupe belge Quadrille. Une chose importante aussi, c'est que dans le monde du bal folk aux Pays-Bas, il n'est pas courant de chanter. Alors, on connaît bien sûr des formations françaises hein, comme Siakboum ou la Jupette Barbue ou des groupes occitans ou bretons qui le font, mais en Hollande, c'est très rare. Et donc, c'est un des avantages de cet album Gewind Wellental. On écoutera trois albums, trois morceaux. Excusez-moi, je suis distrait parce qu'en fait, je regarde la télévision en même temps que je fais cette émission. Et il y a l'évêque de Liège, Monseigneur Delville, qui passe à la télévision. Comme ça, vous savez tout. Bien, alors, on va écouter de BMB Déjeuner sur l'herbe Yorkshire Gypsy. Et puis, Is it well knit in dream de Grill. N'est-ce pas une étrange bizarrerie? Voilà, comme ça, eh bien, vous savez les trois morceaux que vous allez écouter maintenant, justement. Thank you. Great stone hall in a parkland fair and wide, with many a servant to do your will, if you will be my bride. I'd leave a bide with me caravans and threadle from sea to sea. What do I do with servant folk who are used to quality? You shall own a satiskinned horse that can leave the devil's wear, and 20 couple of musical hounds, if you will be my dear. I'd leave a ride, my Shaggy hero. Why should I fetch with 40 dogs when I love to ride alone? Hung up, you will be my love. I'd leave a lie on a brackeny bed where walls are rain-washed scars. What do I want with Cupid's when I've merry-go-round around the stars? Oh, I will give you beautiful bairns, the bonniest ever seen, the daintiest clothes to prank them in, if you will be my queen. I'd leave a gift to the children of mine, a gypsy for their death. But better please and fold the rolls to a gypsy lass of land. Find for them able men to teach them what is meet, to write, to shoot, and to speak strange tongues, if you will be my sweet. My children shall learn from night and day, from summer and Philemon, thou be owners of good steam holes, my lords of the old grand herd. Oh, I will find for them able men to teach them what is meet, to ride, to shoot, and to speak strange tongues, if you will be my sweet. My children shall learn from night and day, from sower and Philemon, thou be owners of good steam holes, my lords of the old brown earth.

gij maagden niet, me dunkt, een ieder prijkt om zeerst. Een naast het buurtje zingt een lied, begint gij liever eerst. Zo wordt uw hoofd met vrucht bekranst, en zo ik ook van het liedje weet. Ik zal u helpen aan zijn vent, en zingen dat ik zweet. Eerst lang tot de vond van de min, dat is leeg, dat is dicht naar mijn zin. Nu zit ik aardig, dat ook zo klaar, ik eet elke glaasje in. Eerst lang tot de vond van de min, dat is leeg, dat is dicht naar mijn zin. Nu zit ik aardig, dat ook zo klaar, ik eet elke glaasje in. C'est un super album hein, que je vous suggère vraiment, BMB Gewind Wellental, un album de folk hollandais. C'est chouette la Hollande, hein. Si vous avez l'occasion peut-être de visiter un pays, visitez la Hollande. Et je salue d'ailleurs tous les habitants des Pays-Bas qui m'écoutent, qui n'hésitent pas bien sûr à m'envoyer des belles photos de leur chouette pays. On écoutait Déjeuner sur l'herbe, Yorkshire Gypsy et Is It Well Knit and Vrim de Grill. Est-ce que vous avez eu des problèmes de célibat ces derniers temps, parce que vous aimeriez peut-être briser votre célibat? C'est vrai que le coronavirus, maintenant, on peut un peu se rencontrer, donc vous avez envie de rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. Eh bien, j'ai fait un podcast sur le sujet « Comment briser votre célibat ?» On écoute un petit extrait avec Christine de Schemacher. Oui, je pense qu'il faut être, réaliste, mais le plus important à mes yeux, c'est d'avoir confiance en soi, c'est aussi de se présenter tel que l'on est. On n'est pas là pour se modifier et s'adapter à un potentiel partenaire. On a chacun notre personnalité et le plus important, c'est d'être dans le respect de soi-même et de se respecter soi, de se présenter tel que l'on est et d'être le plus naturel du monde. Je pense que c'est ça le plus important. Donc, il faut aller vers des personnes qui vont vous accepter tel que vous êtes. C'est pas un peu difficile, ça? Parce qu'on a tous un peu en tête cette image de la personne qu'on aimerait rencontrer, qui ne va peut-être pas être celle qui va être en face de nous, ou celui qui va être en face de nous, et malheureusement, qui serait peut-être l'homme ou la femme de sa vie. Eh bien, Eric, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est qu'encore une fois, le plus important, c'est tout ce travail préalable à la rencontre. Et c'est ça, notamment, qu'un coaching en amour peut vous amener. C'est vraiment tout ce travail d'introspection. Quand vous êtes au clair avec votre projet amoureux, quand vous êtes au clair avec qui vous êtes, avec vos valeurs, avec ce qui est important à retrouver chez votre partenaire potentiel, eh bien, quelque part, vous allez sélectionner, peut-être consciemment ou inconsciemment, les personnes que vous allez attirer vers vous. Donc, je reste convaincue que vous allez connecter avec des personnes qui seront directement en lien avec la personne que vous êtes et vous n'aurez pas besoin de modifier la belle personne que vous êtes vous pour vous adapter à l'autre. Voilà, puisque vous allez vous retrouver en face d'une personne qui vous correspond. Si vous avez envie d'écouter l'entièreté du podcast, eh bien, vous cherchez les interviews d'Eric Cooper. Je suis un petit peu partout. SoundCloud, Radioline, Spotify. Bref, vous cherchez les interviews d'Eric Cooper sur Google. Et puis, comment briser votre célibat avec Christine de Schemacher. Allez, tout de suite, on écoute de la musique avec Ben et Ellen Harper, City of Dreams. Capercaille, c'est un groupe dont le nom signifie coq de bruyère. On écoutera Bonaparte. Cet extrait de leur album live en concert sorti en 2002. Et puis Émilie Landry, plus grande qu'hier. Eh oui, elle grandit, Émilie Landry. Day breaks over the city of my childhood. Day breaks over the city I called home. Where the sage met the sea and the groves were sweet and green. Now it's a city that lives only in my dreams. The groves where we played when we were children. The groves where we fooled around as teens. Those green groves are paved from LA to Santa Fe. And the city lives only in my dreams. Landmarks lost to parking lots in the city I called home. Looking back, I see what used to be. Now freeways crawl through suburban sprawl as far as the eye can see. And the city lives only in my dreams. Citrus groves still perfume the sky. But I guess those orange blossoms weren't so special after all. Now it's a city of days gone by. Landmarks, laws to parking lots in the city I called home. Looking back, I see what used to be. Now freeways crawl through suburban sprawl as far as the eye can see. And the city lives only in my dreams. And the city lives only in my dreams. Espérons que ce sera resté, continuer, durer. Thank you. maar betoald geen lang geen eilig en haar kwalin. Schuiltje met zijn king en knoos en geboorde glees moos en doorn. In weer pilsch de lach. du matin. Émilie Landry, à l'instant, avec Plus grande qu'hier. Dites-moi, j'ai trouvé un truc assez sympa sur Internet. Ce sont des faits psychologiques incroyables. Savez-vous que quand on offre un stylo à quelqu'un, la première chose que 97% des personnes font, c'est d'écrire leur nom. Si vous avez l'habitude de raconter des blagues, si quelqu'un rigole à une blague absolument pas drôle, c'est qu'il est profondément seul à l'intérieur. Ça, c'est pas bien, ça. Par contre, une autre chose qui n'est pas bien non plus, allez vers ces gens. Si vous cachez votre pouce derrière les autres doigts, c'est un signe de nervosité. Cela indique que la personne veut paraître cachée dans un groupe. Et puis lorsque vous croisez quelqu'un, on parlait de rencontre, la psychologie nous dit que la première impression se fait dans les 7 premières secondes. Vous imaginez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7 secondes et vous avez une impression de la personne. Oh ! Alors, il a été aussi prouvé que notre réaction à une citation a le pouvoir de changer la situation en elle-même. Et puis, si vous prétendez n'en avoir rien à foutre, c'est une habitude qu'ont les gens qui, justement, ne s'en foutent pas du tout. Alors, vous avez parfois des pensées négatives. Alors, le fait d'écrire des pensées négatives, les rouler en boule et les balancer dans une poubelle, eh bien, ça améliore considérablement votre humeur. Manger une orange réduit le stress. C'est pour cela que les médecins recommandent de manger une orange avant d'aller au travail. Et 90% du temps, 90% du temps, les gens avec une écriture désordonnée sont plus créatifs que la moyenne. Chouette, j'ai une écriture qui est assez, assez mystérieuse et difficile. Hein. La façon dont les parents parlent à leurs enfants devient une petite voix dans leur cerveau quand ils grandissent. Et puis, il faut 7 commentaires positifs pour neutraliser l'effet d'un commentaire négatif. Voilà, donc, c'est pour ça qu'il ne faut jamais faire de commentaires négatifs, surtout pas. Et là, je m'adresse aux parents. Ne dites jamais à vos enfants qu'il est incapable, qu'il est bête, parce que croyez-moi, il en souffrira lorsqu'il sera plus âgé. Allez, je vous propose de continuer en musique avec Filippo Gambetta. Alors, Filippo Gambetta, c'est un véritable maître de l'accordéon diatonique, il est italien. Et même si dans cet album d'où est extrait Agatha, il a fait appel à une série de musiciens invités, plus de 20 sur l'ensemble de l'album, c'est son accordéon qui est le seul et unique centre d'intérêt, à tel point qu'après la première écoute, eh bien, la chose que vous retiendrez, c'est l'accordéon. Il faut savoir que les musiques sont composées par Filippo, mais ils sont basés sur des danses traditionnelles comme la tarentelle, la mazurka, la musette, polka et autres. Et ensuite, Arquebuse, groupe français, avec le chant de la poule. Thank you. Security clearance, Chief. Orders received. We need operating confirmation from the ship's captain. Come in, Starbase. Come in, Captain Kirk. This is Captain Kirk. You have confirmation, Ms. Uhura. Hansen here, Captain. Our destination has been scramble-fed into ship's computers. How can I handle the helm if I don't know where we're going? Mr. Spock is with me here. He'll answer all questions. Kirk out. Course will be computed and set automatically. You will not discuss this with ship's crew or Starbase personnel. Do you read? Acknowledged, sir. Stand by. We'll warp out of orbit in 1 hour. Eh oui, bah vous savez, il y a un moment qui finit, hein, je veux dire, on ne peut pas faire non plus 24 heures d'émission La Croisière Folk. Merci de nous écouter. Je rappelle, nous avons une page Facebook qui s'appelle La Croisière Folk. N'hésitez pas à la liker. We have a Facebook page. Don't hesitate to like the page. And, important, if you organize the folk music concert or any activity linked to the folk music, don't hesitate to let us know so we can tell our listeners. Donc si vous organisez un bal folk, un concert folk et que vous souhaitez faire la promo, c'est gratuit. Oh, I forget to tell you, we don't advertise, so we broadcast your program and your activities for free. Voilà, donc on fait part de vos activités absolument gratuitement. Écrivez-nous bien sûr via notre page Facebook. On se quitte avec Bobby Osborne, Kentucky Morning, extrait de l'album original, un album sorti en 2017. Allez, sur ce, que la force soit avec vous, et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Salut! I'll be back. Of Detroit for the promise of a $5 day. They would come by in December while the folks were alive with gifts from the money they made. And they talk of the nights beneath the bright city lights and wonder I ever stay. And I tell her, oh, your bright lights don't shine like a Kentucky morning. You can't hear a whippoorwill.